Je ne veux pas te laisser tout abandonner. Tu fais toujours battre mon cœur. L'avenir au passé revient me hanter. Je souffre, je suis seule et j'ai peur. Sans compter, mais je vois bien que ça ne suffit pas. Maintenant tu me jettes sans regret et sans peine, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Pour toi, j'étais la seule qui comptait. Pourquoi m'avoir tellement menti? Je t'aimais tant si tu savais. Reviens vers moi, je t'en prie. Je ne veux pas te laisser tout à Tu fais toujours battre mon cœur. L'avenir au passé revient me hanter. Je souffre, je suis seule et j'ai peur. Tu fais toujours battre mon cœur. L'avenir au passé.